Fortunio, mis au courant du danger qu'il court, devance le rendez-vous de Jacqueline, à minuit, ce soir, au jardin, et se rend chez elle alors qu'elle commençait à craindre pour la vie de Fortunio. Frappée par la générosité amoureuse de Fortunio, Jacqueline lui avoue qu'elle l'aime sincèrement et elle l'invite au dîner du lendemain.